Activité 2B. 1. La poste est près de l'école de voile. 2. Je fais du sport au printemps. 3. J'adore les activités de plage. 4. Dans cette île, il fait chaud.